ils ont donné plusieurs recommandations. Que notre première analyse, c'est certainement des choses qu'on est prêt à adresser, à travailler avec les parties prenantes et le gouvernement pour se conformer en majeure partie pour être capable d'avancer le projet.